Une chose qu'on oublie complètement à l'heure actuelle, c'est d'utiliser nos sens. Par exemple, quand vous sentez la terre, vous avez une odeur particulière qu'on appelle la géosmine, qui est une odeur d'actinomycète. C'est des germes qui sortent cette odeur que les gens appellent l'odeur de champignons, et c'est faux, c'est pas les champignons qui sentent ça, c'est des actinomycètes qui produisent cette odeur. Ensuite, vous la regardez, cette terre, vous voyez que cette terre est extrêmement grumeleuse, elle est très très aérée. Mmh. Dans une terre comme ça, vous avez 70% de vide. Il y a beaucoup plus de vide que de plein. Vous voyez, déjà sur le terrain, simplement avec nos doigts, notre toucher, on sait déjà qu'il y a de l'argile. On voit que ça tache les doigts. Si ça tache les doigts, ce sont des limons. Oui. Et puis quand vous le faites passer, vous sentez un petit côté, à la fin de l'écrasement entre vos doigts, vous sentez un petit côté papier de verre. Donc il y a du sable. Donc on peut déjà, vous dire, simplement avec nos doigts, notre odeur, on sait qu'elle est vivante. Notre vue, elle est bien grumeleuse. Alors évidemment, là, on n'a pas de microscope. On verrait d'une part les bestioles et on verrait que toutes ces petites boules, toutes ces petites boulettes grumeleuses sont en fait des excréments de ces animaux, oui, mélangés, qui ont mélangé intimement. C'est-à-dire qu'on verrait que ces formes sont en fait allongées, ont des formes vivantes. C'est une chose aussi qui m'étonne beaucoup quand je suis sur le terrain, c'est que je vois beaucoup de champignons très colorés. Il y en a qui sont roses, il y en a qui sont bleu roi, il y en a qui sont verts. Pourquoi de la couleur à l'intérieur de la Terre? On peut se poser pourquoi la vie gratuitement fait cette espèce de couleur lumineuse dans un monde nocturne. Une espèce de cadeau, juste de la beauté pure, quoi, gratuite. Hein. C'est pas forcément utilitaire la vie, hein. On peut travailler. Et c'est vrai que regarder le terrain, c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez une poignée de terre dans la main, vous avez des milliards de microbes dans la main. C'est aussi riche que votre intestin comme milieu. Alors ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi un milieu finalement difficile de pénétration par rapport à l'air ou l'eau, pourquoi il est aussi riche? Il s'accomplit dans le sol une chose fondamentale pour la vie, c'est le cycle des éléments. La vie existe depuis 3 milliards d'années parce qu'elle a inventé une chose remarquable, elle recycle tout ce qui la traverse. Si elle n'avait pas inventé ça, la Terre se serait couverte d'une couche d'excréments et la vie se serait arrêtée. Mais la vie recycle tout et le monde de ces microbes dans le sol reprennent les substances, les rendent à nouveau assimilables aux plantes, les plantes vont refaire des feuilles avec, ces feuilles vont retomber, vont redonner de l'humus, etc. C'est un cycle qui dure depuis 3 milliards d'années. Et il faut absolument réfléchir à cette notion de cycle. Par exemple, il y a un phénomène dramatique dans notre société, nous ne restituons plus la matière organique à nos sols. C'est-à-dire que les citadins, tous les ans, reçoivent des pommes de terre, reçoivent de la viande, etc. Rien n'est recyclé, tout est mélangé avec des ordures industrielles, et le résultat, c'est que nous avons des gadoux extrêmement toxiques, et quand on les épand sur les champs, on apporte des métaux lourds, on apporte du mercure, du plomb. Quand nous jetons des ordures, les gadoux d'achère sur les champs du nord de Paris, eh bien on met du plomb, et ce plomb revient dans le blé, et ce blé, vous le mangez dans votre assiette. Et il faut faire très attention, on ne peut pas continuer à jeter n'importe quoi dessus. Il va falloir devenir un peu adulte. Il va falloir cesser d'être des gamins qui exigent de la terre tout en tapant sur la table, en des caprices, je veux mon pétrole, je veux ma voiture, je veux changer de voiture. Il faut qu'on devienne un peu mature, qu'on sorte de cet état infantile et capricieux et qu'on comprenne que maintenant la terre a besoin de notre aide et c'est maintenant, nous ne sommes plus des gamins, au contraire, c'est maintenant la terre qui a besoin d'être aidée par nous. Il va falloir qu'on s'occupe d'elle, qu'on la gère et qu'on la respecte.